Leçon 4. En suspens, couper pied-bois. Problème d'éboisement. Dialogue. Two Haitian peasants, Josaphat and Anatole, who live close to the Pic Macaya National Park in southern Haiti, are talking about deforestation in their area. Listen to their conversation. Oh, Anatole, kote ou yo konsan? Sak pase? Eh ben, ou konen konpèm? Nou la, nap debat ak la vi ya. Bon, kote non. Ap ap tande nou pa gen dwa koupe piye bwa nan zon nan anko. Kouman nou pral fè bay fami nou manje? Konpè Josaphat, m konprann problèm. Men, se pou eseye konprann pou ki sa l'Etat pa vle moun koupe piye bwa nan moun nan anko. Eh ben, Anatole, kom se ou tlek savi, wa explike mwen? Otorite yo mette interdiction coupe pied bois pour un pile bon jan raison. Eh ben, dis-moi Anatole, m'attendez oui. Pied bois, c'est une bagaille qui pi utile sur la terre. Pied bois gagne une importance totale capitale dans la vie moun ak bèt yo. D'accord Anatole. Pied bois utile vrai parce que là ou coupe yon pied bois, ou joine li pour bouler, pour faire charbon, même ak an pile l'autre bagaille. Non compère Josaphat. Ou pas comprendre. C'est pas ça me le dit. C'est pas l'air ou couper pied bois, li dit. Pied bois yo gen plus importance l'air tout vivant dans terre. Comment ça Anatole? M'poko jam comprendre ça ou a dire. Écoutez bien. Pied bois yo utile l'air dans terre parce que c'est yo qui fait la pluie tomber. C'est yo qui protège bon terre nous utiliser pour faire jardin. C'est pied bois yo qui bail en pile oiseau ak l'autre bête manger. À côté pour faire niche yo. Ah bon, qui donc? Les nous couper pied bois, bête yo ka mouri et puis ça ka faire la pluie pa jam tombe. J'en nous besoin de l'eau pour jardin di rio. Ah, vous comprenez moi? Là on couper pied bois yo, té a vinn sec et puis an rien pa ka pousser là-dedans. Et puis tout sous l'eau yo a vinn sèche tout. Bon, vous avez raison Anatole. Faut que nous al bay l'autre moun yo bonne nouvelle ça. Écoutez bien. Raison ou soit conséquence. You will hear 10 statements about causes and consequences of deforestation. Listen to each statement and then indicate whether it is a raison or a consequence of deforestation. Changement climatique. Besoin énergétique. Perte biodiversité. Dérangement cycle de l'eau. Réchauffement planète là. Inondation. Construction route à caille. Érosion la terre. La pluie pas tombée souvent. Rivière à sous l'eau yo sèche. Listen and repeat the following words with the nasal consonant sounds M and N. Ané, ban, banan, jam, kon, lane, lamou, machine, madame, malade, mam, mayo, ménage, pan, cyclone, timoun, van, Zaman, manye. Yon ti dikte. Listen carefully and write down the missing words. Example, you hear, Madame nan pa jam bon mayo ti moun yo. You write the words jam and mayo in the spaces provided. Madame Marcel, se fom ki kon manye mam gason. Cyclone Allen te bay moun okay an pile problème nan l'année 1980. Jacqueline dit changement climatique, là c'est déboisement qui la cause li. Malène ap monte Marigo semaine prochaine pour la louer marine li. Map la ki sou cabane Michouan pas bon même. Machine bonan nan kon van mayi moulin tout. Machine sa ap kouri tout boulin nan commune nan. Vemin ki rele mimin nan, se yon jen li mena. Gren promene, pa jom dormi san soupe. Mayi ak pitimi, se manje moun achete pou timonen. Fenomen deboazman an Haiti. Gwo la pli ki te tombe nan kapital la ye aprimidi, dimanche 5 janvye a, te fe an pil dega nan zon Kafoufei. Gwo la pli sa te provoke glisman teren, lavalas ak inondasyon ki la koz male an pil moun nan rejyon metropoliten nan. Dapre otorite yo, semble ta genye plis pase 40 kretye vivan ki blese epi ak 7 lot ki pedi la vi yo. Gwo katastrof natirel sa te fe pep Kafoufei la mobilize pou mande otorite yo fe travay yo. Manifestan yo mande pou otorite yo interdi kamyon ki tout la sen jounen pral prensab nan tet moun l'opital la. En plis, moun yo exige pou l'Etat mette sou pi yon program reboazman nan zon nan. Se frenan leje pou Radio Parole Lakay. Merci. Mes ami, apa la pli apa chanm tombe? Se chas ap fin touye nou wi nan peyi d'Ayiti. Se deboazman ki la koz sechres. Pye boa se la vi. Nou pa gen dwa koupe yo. Si span kuit manje ak chabon boa, servi a bik ti chéri, yon echo gaz propane total kapital. Li pwop, li ekonomik, epi la kuit manje nou bien vit. Bik ti chéri, se solisyon pou problem deboazman an Haiti. Chapitre 4. Chapitre 4, leçon 1. L'école en Haïti. M'bral l'école secondaire, lycée Pétionville. Dialogue. Cloche la sonne pour récréation. Adrien ak Joseph, yon lot élève, chita nan la kou l'école la. Yap pale sou sa kap pase an dan l'école la. Joseph. Depi dat map chache ou la, ou gen lete nan pinisyon? Nte nan klas la. Ntap eseye rezout yon problem matematik. Ah, ok. Profesor a pa travay sou problem nan klas la? Mon chè, mpa reme profesor matematik la ditou. Mi se pa kon esplike menm. Mpa ap jam komprenan yon sal di. E, koumon trouve madame ki fe kou literati franse ya? Mwen reme dam sa an pil. M toujou fè bèl lot nan koli a. Eh bien, se seksyon let ou pral fè nan bakalorea a? Sanble sa oui, mwen pi fò nan let pase chif. Manke pa fè mwayen mwen nan fizik ak matematik pou dezyèm trimès la. Eh bien, se pou pral leson matematik ak fizik avan egzame ofisyèl yo, si ou vle, nou kap travay ansanm apre l'ekòl. Se vwe oui. Ou men, ou degaje ou ase bien nan tout matye ou. Koute bien. Posesif ak atik defini ou soa san atik defini. Ou pral tan de 10 fraz. Kek la dan yo gen atik defini apre adjektif posesif la, kek lot fraz pa gen atik defini apre posesif la. Identifiye fraz sa yo. Siklon nan krasé kay li. Sa se ordinatèl. Ti moun li an al l'ekòl ane sa. Mwen mete tout liv mwen yo nan valiz la. M'ap pale ak zanmi mwen. Direktè ap travay nan biwòl la. Inspektè te vin nan klas nou semèn pase. Profesè a korije egzame elèv li yo. Bam liv mwen. Mbral fè devwa mi yo jodi. Listen and repeat the following words with the consonant sound CH. CH. Cha. Charge. Chargé. Chant. Cham. Chanté. Chita. Chaud. Méchant. Réchaud. Réchauffer, douche, mouche, pouche, chiche, cloche, poche, ranche, manche. Listen and repeat the following words with the consonant sound TCH. TCH, Tcha-tcha, Tchak, Tchaka, Tchaki, Tchala, Tchek, Tcheke, Tchobol, Tchouboum, Tchoul, Tchulichuchu, Un Tchouchout, Kaoutchou, Clutch. Listen and repeat the following pairs of words. Chak, chak. Chacha, tcha-tcha. Chance, chance. Champouel, champan. Chèque, tchèque. Choc, choc. Chou, chou. Cloche, clutch. Yon ti dicté. Listen carefully and write down the missing words. Example, you hear, chien sa tiak en pile. You write the words chien and tiak in the spaces provided. Clutch machine nan pa mache bien. Champon sa toujou ap pale chance. Al tcheke pou wè si yo kache chèk la. Chien tchake kouchat la ak dan. Michou pral tombe nan tchouboum. Kloch la sonne chak dimanche. Chèk fèl chaje la jan nan poch li. Mouch yo pose sou choua. Ala chen an tchou-tchout, papa. Tchou-tchouwe ap pale tchou-tchou-tchou. Élève haïtien kap pale. Pilou Alexandre. Mrele Pilou Alexandre. Mwen l'école lycée Poléissa non ki nan vil Okay. Gen pil problèm nan lycée a. Yon nan problèm yo se mank espas ak matériel skolè. Gen trop élèv nan kou yo. Sal de klas yo fèt pou pran 40 élèv. Poutan, toujou genyen plis pase 100 élèv nan klas yo. Le profesè a pale, élèv ki kanpe jis deyè yo, pa kap tande, ni wè tablo a pou ekri nan yo. Anna Petit Frè, na soba amas. Non pa mwen se Anna Petit Frè. L'école mwen rele, si yon wanko, high school. Se yon l'école secondè ki nan vil Naso. Papa mak maman, se haïtien ouye. Men mwen te fèt nan peyi Bahamas. Mwen pare men l'école mwen ale a paske gen pil diskriminasyon kont ti moun ki gen paran haïtien yo. Elèv Bahamayen yo, toujou ap joure nou paske nou se haïtien. Profesè yo pa fè anyen pou fè yo sispann. George Senatis, Miami, Florida. Mwen se George Senatis. Mwen rete nan vil Miami ak fami mwen. L'ekòl mwen rele Mother Lakes High School. Mwen remen l'ekòl la. Gen yon sèl bagay mwen pa remen. Se problèm disiplin nan. Elèv yo pa respekte profesè yo ansanm ak règleman yo. Yo toujou ap goumen sou la kou l'ekòl la. Genyen ki vini ak kouto pou blese lòt elèv. Mwen souwete pou zafè violan sa fini an dan l'ekòl la. Leson D nan universite a. Lokal ak administrasyon universite a. Dialogue. Marie ak Max Sorel, yon lot etidyan nan fakilte medsine, ap kompare universite l'Etat ak universite prive yo. An nou koute. Max Sorel, nan ki fakilte medsine ou ye, l'Etat ou swa prive? Se nan fakilte medsine universite l'Etat haïtien mwen ye. Esko reme universite l'Etat? Kouman li ye? Universite l'Etat ofri an pil avantaj. Men gen kek inconvenyan tou. Ki avantaj Université l'Etat ofri? Premièrement, ou pas payé dans l'université l'État. Deuxièmement, grâce à l'hôpital général là, ou jouen occasion fait plus pratique. Et qui inconvénient qui gagne? Pi gros problème nan c'est examen pour entrer dans faculté. C'est un concours qui difficile en pile. Et puis gen trop élèves nan kou yo. Ah mon cher, gen ap rete nan université privée côté mi a oui parce que m'pa comment ka passer examen l'état. Bon, depuis ou capable payer frais scolaire université privée plutôt ou rete là-dedans. Comme ça ou a gen moins tracas tête chargé. Listen and repeat the following words with the consonant sound R. R. Rad. Rat. Râler. Ranche. Ranger. Rara. Réchaud. Réparer. Travail. Larry. Marie. La France. Tranche. L'ouvrir. Listen and repeat the following words with the semi-consonant sound W. W. Wate. Wé. Projet. Aozoa. Rougi. Ron. Ront. Rote. Roulé. Roulette. Roulib. Roulement. Roulot. Rouzé. Rouillé. Listen and repeat the following pairs of words. Craver, croiser. Rété, ouété. Râler, ouale. Ri, oui. Rara, wawa. R ou soit W. Depending on the vowel that follows the missing letter, or whether or not you know the word, choose R or W to complete these words in the following sentences. Moi, mécanicien, qui a rangé machine là. Li wete tout pot nan kote li rete ya. Li a prepase yon wop rouge. Jacques kwaze nèg ki te krasé bisiklèt li ya. Gen yon kaoutchou ki an pan nan kamyon an. Voisin an ap rase bab li. Pinga ou kite ou libe ap pran lajan an non? Roulette rad la defèt net. Yon ti dikte. Listen carefully and write down the missing words. Example, you hear, Wawa ap repase yon ban rad. You write the words repasse and rad in the spaces provided. Marie-Jeanne ap travay nan yon biwo l'état. Figi wosandre won kouboul. Marin mwen reme range ou jalev li nan tiwa. Ou libe a gen tan ap range kol pou l'pren ou libe. Racine wozo a rale tout l'eau nan ter. Radote sa toujou ap ranse. Mwen wè 3 rat kap kouri nan la ria. Se faktori kote yo fè recho a lap travay. Koutirye a ap fè ou let rad la. Autorité yo pren ou lib tout l'argent projet en haut. An nou koute text la. Simte nta. Simte avocat, nta défend droit. Tout moun yo pa jugé d'après la loi. Nta ple de cause dernier prisonnier kap mouri nan cachot pénitencier. Simte nta. Si m'te musicien, m'ta composé une symphonie l'amour ak liberté pour haïtien frèm ak sèm kap soufri en Haïti, yon pays kap péri. si mte nta. Si mte poète, mwen ta ekri ak di bel poèm ka bese ou ak ilizyon. Mwen ta fè ou santou nan paradis pandan nan gran gou ak eksploatasyon. Si mte nta. Si mte bon die, mwen ta bay ayisyen li men espri sem pou y apren remen. Mwen ta ban deje devan, deje deye, pou n'pa pren nan koutret, pou n'pa nan fenwe. Si mte nta. Leçon 3. Études universitaires. Programme études à cours universitaire. Dialogue. Marie et Max Sorel rencontrés encore. Fois ça, y a parlé de programme études à cours y a suivre dans l'université. On nous écoute. Qui cours suivre Vanessa? Moi gain deux cours anatomie, une biologie et yon cours chimie. C'est bien mon cher. Moi-même, m'oblige à suivre une série de cours qui n'a aucun rapport avec la spécialisation que je voulais choisir. Qui pour ça ou obligé prendre? Conseil pédagogique m'a forcé à prendre des cours français avec un cours sociologie générale. C'est parce que vous faites commencer le programme. Tout étudiant dans la faculté a obligé à suivre cours de base. Ah oui? Ah oui? Vous obligé à suivre cours ça dans l'université d'État? Mais oui! Cours ça est important pile oui même si c'est médecine ou étudier ou besoin qu'on parle et écrire langue français à bien ou gain raison hein parce que gain pile étudiant qui font nos chiffres mais ou pas bon en français même yo vraiment besoin cours français c'est ça les n'a travail comme docteur dans un hôpital ou soit une clinique nous pral gagner pour nous écrire plusieurs documents en français tant pour lettres rapports et latrier. Écoutez bien. Mode impératif ou soit mode indicatif. Ou pral tande 10 phrases. Kèk la dan yo nan mode impératif. Kèk lòt nan mode indicatif. Identifiez phrase sa yo lò tande yo. Di impératif ou soit indicatif pou identifier chaque gran phrase. L'état pa vle moun kanpe la. Papi se la. Ou toujours a fait bagay sa yo. Vini si petit garçon. Ban mon ordinateur s'il vous plaît. Fais attention. Marie à l'école chaque jour. Pas bay tête au problème. Kampe la. Réponds une question s'il vous plaît. Listen and repeat the following words with the consonant sound S. S. Annonce. Atlas. Basse. Brasser. Chasser. Danser. Effacer. Espoir. Facile. Glisser. Grimace. Ici. Caresser, la messe, oppresser, passer, rincer, sac, s'éveiller, songer, trousser, vice, vorace. Listen and repeat the following words with the consonant sound Z. Z. À l'aise, Azaka, Azizuel, base, basé, chaise, douze, fizi, gaz, usine, cuisine, losange, niaise, onze, poison, rasoir, ciseau. 13, vase, zam, zange, zambi, zombie, zoreille. Listen and repeat the following pairs of words. Bath, bath. Boss, boss. Café, casé. Cause, cause. Coussin, cousin. Crasse, crase. Massou, mazou. Pose, pose. Race, rase. Sans, zan. Toi, zoa. Sissi, zizi. S ou soit Z. One letter is missing in the following words. Choose S or Z to complete these words in the following sentences. Musicien haïtien yo di ki m pansi se yon baz normal. Ose lo achete yon kousen pou kouzen lan. Ras moun sa yo raz an pil. Avan yè swa, nou manje zwa nan restoran. Kouzin mwen bayi san la kwa rouj chak de zan. Azizwen sa yo rele Solange lan, se kouzin mwen. Vini mizi pezib kanson moun ti gason. Bos sa yo toujou afime boz nan izin nan le swa. Mekanisyen bezwen apranti pou si veye zouti yo. Profeseya bezwen chifon pou efase tablo. Yon ti dikte. Listen carefully and write down the missing words in the following sentences. Mwen sonje mte kon chase zwazo lem te jen ti gason. Tout zanmi myo te soti al nan sinema samdi swa. Person moun pata sipoze konsome boason alkolize ak sigaret. Peyizan yo terete si yon enter a jiska 6 en aswe. Kouzin Mariz la soti nan dispanse paske l soufri kanser di sen. Josafa de refize zipe zip kanson le lap soti. Zekle ye swa asemble soti transistor televizyon nan salon. Samedi swa, mas isi ak sans ave fe ken sou plas chan mas. La polis te sezi plizye fizi chas ak lot gros am lou nan site soleil. Kouzen yo ap soti a 6 aswe. Leson 4. Profesyon, metye ak travay. Ki profesyon yo? Dialogue. Monique ak Philippe, de elèv nan l'ekòl sekondè a, ap pale de profesyon yo ta reme fè. An nou koute. Philippe, ki profesyon papa ak maman? Papa m se avoka. Maman li menm se kontab. E ou menm? Mon chè, za fè fòm yo pi bon pase pam. Papa m se chofè taksi. Maman m se koutirye. E ou menm Monique, ki sa ou ta reme fè nan la vi? M ve vin yon manke, me papa m pa dako. I ta preferi gen yon dokte, yon avoka, yon enjenye ou swa yon agodom nan fami nan. Se nan menm baga la miye la atou, se yon artist nta reme ye. M ve vin yon gro mizisyen, me maman m kape yon kwa. Mwen menm, se ve det m vle. Si m pa ta vin manke, se aktris sinema m apye kanmen. Ma chè, fè sa ou anvi tande. Papa ou pa gen dwa fòse ou fè sa l vle. Mwen menm, m pa okipe maman. M deja chante. Koute byen. Se yon profesyon liberal ou swa yon metye teknik. Ou pral tande 12 fraz. Gen kek la dan yo ki pale sou profesyon liberal. Gen lòt se de metye teknik yo pale. Koute byen epi chwazi sa otande ya. Bos mason an ap leve miyan. Agronom okipe koze plant. Se yon chapantye ki fe pot kay la. gen de avoka kap defan akize. Bos taye ap koud radio. Se architek Bosan ki te fe plan pale nasyonal la. Frank Etienne, se yon ekrive haisyen. Nou bezwen yon elektrisyen pou ranje kouran. Enjenye yo sou chantye. Gidi Rozier, se yon nan pi gwo mizisyen haisyen. Marie ap menen chat li a kay veterine. Mekanisyen ap ranje machin yo. Listen and repeat the following words with the consonant sound T. T. Accepter. Attention. Attirer. Battre. Bonté. Chatte. Chanter. Date. Été. Étaler. Fanatique. Feinte. Gâter. Utile. Gentil, quitter, litter, monter, natation, nuit, autant, pointe, rater, toti, tape, travail, tendez, tonton, voter, wate. Yon ti dikte. Listen carefully and write down the entire sentences. Example, you hear, Tonton te mette tout ti wel yo nan ti wa. You write the entire sentence. Tonton te fe sep pitit. Tet toma pa doat ditou. Li te rete ap travay matematik nan universite ya. Architek, atis, dokte, kontab kap travay ak tèt yo. Agrikilte, chapantye ak bostaye se metye teknik yo yi. Institite, tot vizite titrou de nip ak timoun yo. Koutirye te mette troal jip la sou tab la. Sekretè, patron an, travay toutan. Chapit 5 Chapit 5, leson 1 Nou pral an deyò. Nou pral an vakans an deyò. Dialogue De elèv, Mara ak Sofia ap pale sou aktivite yo pral fè pandan vakans ete ya. Koute byen. Sofia, ki pou jò pou vakans ete a? Papa m ap mene nou an deyò nan machin ni an. E ou menm? Mwen pral aux Etats-Unis. Ma tout mwen ki abite New York la invite nou vin pase vakans la kay li. Se pa vre. Fòk ou fè an pil foto wi? Rêv mwen se pou mal vizite tout sak Manhattan tankou Estati Liberté ak Park Central. Ma tout mwen di la mene nou vizite tout bagay sa yo. Ah, ok. Mwen menm, m pral jeremi kay gran menm. Se la nou va pase vakans ete yo. Ki sa ou pre va fe pandan jeremi an? Menm aktivite yo. Al nan lan me, al peche, monte chwal, jwe kat, fe piknik e la triye. Men sel bagay fwa sa, ma pote an pil liv pou m li. Men, apa ou pa pale de mizik menm? Pa gen jazz nan Jeremy? Jwen reme mizik? Ou pa gen proje al nan bal pou danse? Men oui, ma fe sa tou. Yo ti ap gen kompa kreol ak plizye lot jazz ki ap pral jwe nan zon nan. Depi se vre, m pral la dan yo. Se sa m konen. Ou pa pral aktivite bal ou? Ah, ou konen pitit. Bon koute, ki dat wap pati? Ma bon komisyon pou bay yon kouzem ki lot bo ap pou mwen. Esko kapab? Pa gen problèm mache. Ma pati nan koumansman mwa jiye epi map toune nan fè mwa septanm. Ok, mèsi an pil Mara. Ma le wi, na wè tande? Koute byen, Which variant? Fact or faint? Sought or sought? Appen or appen? Your instructor will read only one sentence in each of the following pairs of sentences. Listen carefully and indicate whether you hear the first sentence or the second one. Li fèk manje. Yo apen soti. Jaki sot travay. Nou fèk fin etidye. Mwen sot lave radio. Rozlo apen fini. Rozmari sot ekri yo let. M fèk desan bakaloria. Yo apen rentre la. Nou sot manje yon bondi yak pwa. Listen and repeat the following words with the consonant sound NG. NG. Bang. Bing. Bing bong. Bong. Bwenzeng. Deng. Ding dong. Feeling. Gang. King. Kong. Lang, mang, peng, ping pong, zeng, zing, zong, zwing. Yon ti dikte. Listen carefully and write down the entire sentences. Fòm nan kanpe sou bwen zeng li. Ti moun yo ap jwe ping pong nan la kwa. Kreyòl se lang maman tout ayisyen. Sonèt la fè ding-dong an dan kay la. Manzèl isi se yon madame ki peng an pil. Prezidan diktatè a te kampe king nan palè. Koulev semblè a kong an pil. Neg la bam yon zong manje. Gen yon gang ki kache nan mang nan. Te gen yon sel big bang an dan kay la lem te rive a. Vakans la vil ak ande yo. Ane pase, mwen ak madame mwen te ale pase vakans ete nan vil New York. Nou te vizite an pil sit historik ak turistik, epi nou te bamboche net ale nan gwo koken chen vil sa. Nan maten, nou te al vizite Estati Liberté ya. Nou te pran yon bato pou ale sou tizile kote Estati ya ya. Nan apremidi, nou te al gade yon piyes teyat nan Broadway. Apre, nou te al manje nan yon bel restoran. Nan aswe, nou te al nan yon bal ayisyen ki ta fèt nan Brooklyn. L'anè prochen, se Bloomington nou pral pase vakans ete nou. Bloomington piti an pil, men gen an pil bagay pou fè. Nan valwe yon bato pou nan peche poason nan lak yo. Nan va pase an pil tan ap gade bel peyizaj. Kom kote sa trankil, madame mwen ap kab li roman, fè piknik, epi detan li tout la sen jounen. Mwen men, mbral jwe basketbol nan universite ya chak jou. Leson D, sou wout Jeremy. Nan ap kondwi sou wout nasyonal la. Dialog. Yon polisye rete Benito. Papa Sofia, pou l'bal yon kontravensyon paske misye ap kondwi mal sou route la. Koute konversasyon. Bonjou, monsye. Mwen kwe ou kon pou ki sa mwen kape machin nan? Mwen pa konen non chef la. Pou ki sa menm? Ki sa mwen fe? Kou mwen pa konen yon? Depi ki lè ap kondwi, monsye, ou kon met plizye fraksyon la, oui? Pou ki sa mwen ap kondwi vit kon sa? Mwen prese yon pil. Mbezwen rive Jeremy yon van sole la kouche. Men se pa yon rezon pou ap kondwi tan kon yon moun fou. Ou mette la vi tout moun ki sou route la an danje la. E sou fè aksidan? Pa gen bagay kon sa chef la. Gwo chofè tan kon yon pa ka fè aksidan. A bon? Ou se yon gwo chofè? E bien gwo chofè, ban lisans ou nou? Men lisans lan. Kounye a, ou ka dim pou ki sa ou mwen dem lisans lan? Mando lisans lan? parce que vous commettez plusieurs infractions. Vous pouvez payer trois contraventions. Première, c'est pour excès de vitesse. Deuxième, pour ligne rouge ou brun. Troisième, même, c'est parce que vous avez doublé l'autre machine mal sur la route. Si Mkebo a fait des autres comme ça encore, c'est dans la prison pour aller. Listen and repeat the following pairs of words. Cuit. Cuite. Cuisine. La nuit. L'huile. Huit. Aiguille. Zuit. Yon ti dicté. Listen carefully and write down the entire sentences. Fia mette l'huile là nan cuia. Jacques ap cuit zuit yo nan cuisine nan. Gen 8 aiguilles nan tiroir. Li men li mien nan cuisine nan pendant la nuit. Si ou cuit manje nan cuia, la boule. Leçon 3. An amize nou. Ki jan ayisyen amize yo? Dialog. Rozo ap Filip ap pale de sa yo pral fè pou amize yo pandan 2 semen vakans yo genyen nan mwa desanm nan. Koute konversasyon an byen. Filip, ken an tan nou pa jam fè anyen pou amize nou? Mraz nan kay la. Ki sa nap fè pandan vakans nou la? Gen plizye bagay nou kap fè. Ou gen dwa al kay zanmi fi ou yo pou al bay l'odyans? Mwen men, mwen pral la chas ak zanmi myo. Filip, pa enervem nou? Gen lese pa de moun marye nou ye anko. Kouman pou ou ta fe kompren pou chak moun al pran plezi bo pa yo a? Se pou nou chwazi program pou nou fe an koup. Ou pa bezwen fache, chéri. Nou gen dwa al pase yo semen yi la vache. Mtande yo bati yon bel hotel sou zile ya. Kounye a mtande wap pale. Ki aktivite enteresan nou ka fè lòt bò a? Ese gen bel ambyans nan hotel la? Men wè ma chè. Le swa toujou gen DJ kap pase mizik pou fè moun danse. La jounen menm gen troubadou kap jwe sou plaj a. Epi tou nou gen dwa al mache sou zile ya pou gade peyizaj yo. Eske gen anpil fwi y la vache? Gen an tan mpa bwen an bon kokoye ole, epi tou, mwen vi manje kek bel mango fransik. Ki fwa ap mande mna ouz lò? Ou gen lebliye il avache se yon il tropikal liye? Chaje fwi manche. Kokoye men, se pa pale. Bon, mwen pwen plezi mnet. Filip, so ap tan. Al fe rezervasyon yon nou. Mte dwe wèm il avache lontan la. Listen and repeat the following pairs of words. Endiablé. Diab. Diabolique. Diagonal. Diarrhée. Djonjon. Djol. Djolet. Yon ti dicté. Listen carefully. And write down the entire sentences. Lè yo di Johnny, li pa jwenn job la, misye vin an diable. Nèk sa reme fè jolè an pil. Marie ap kuit yon diri ak djonjon. Diaspora Etazini voye an pil lajan an Haiti. Nta kontan si jolè a te kab fè men jolè. Leçon 4. Nou pral nan fèt champèt. Fèt patronal nan peyi d'Ayiti. Dialogue. Rozlo ap vizite Okay, yon vil ki tabli kol nan depatman Sid peyi d'Ayiti. Rozlo fè konesans ak Max Torel, yon neg kap viv nan vil Okay. Koute konversasyon. Bonjou ti dam. Mwen wap gade tout patou. Ou gen lè pa moun zon nan non? Ki fò bezwen? M ka mede ou? Mais oui. M se moun Petionville. Mwen vin nan fèt jelè, men se premye fwa m'ap vizite vil okay. Nta reme vizite vil la avan m'al sou plaj la. Pa gen pwoblèm. M kon vil la byen. Tou vle, m k'ap gide ou. OK. Mèsi an pil. Mwen rele Ozlo. E ou menm? Ki jan rele? Mwen rele Max Torel. Ki tèm di ou sa nou pral vizite? D'abord, m'ap menon wè depi gwo l'eglise katolik ki gen nan vil la. M byen kontan. Se katolik mwen ye, oui? M'ap tou fè yon ti la priye. OK. Pendan n'ap vizite l'eglise Sakreke ak katedral la, wap tou wè mache ya ak plas dam nan. Apre sa, nou pral sou plaj jelè ya. Eske n'ap pase kat cheme pou nan jelè? Men oui. Apre kat cheme, n'ap jambe pon la ravine. Kou nou fin jambe pon an, wap wè yon monument historik nan kafou machate ya. Ki sa te pase nan kafou machate ya? D'apre l'istwa, Mounokay te toujou kont l'okipasyon Ameriken jye 1915. Nan l'anè 1929, yon goup Mounokay ki te revolte tap manifeste nan kafou machate. Se nan kafou sa, an pil patriot haïtien te perdi la vi yo an bakou d'zam soldat Ameriken. Oh, pou kon an pil bagay wi Max Sorel? Felicitasyon mon chè. Listen and repeat the following words with the consonant sound H. H. Halfo. Lise. Inhang. Want. Rote. Unfo. Ungan. Ruke. Ronsi. Yon ti dikte. Listen carefully and write down the entire sentences. Roje mette halfol sou dol pou lal nan jardin. Gen yon paket d'asoman kap yise monte sou miyan. Toujou gen yon hinhan nan kay la. Si mde ou mda ront, nek belote a ke yi mango a pou mwen. Ngan chita nan on for. Se ou ke ganga ou ke le la pale. Ronsi, Se fi ki ede Ungan fè seremoni vodou. An nou koute mizik Notre-Dame nan Tigwav. Thank you. Chapitre 6. Chapitre 6, leçon 1. Dans qui pays nous pour aller? Nous pour aller faire les tout du monde. Dialogue. Roselot et Philippe gen projet faire les tout du monde. Yo veulent visiter 3 pays dans chaque continent. Y a discuté des voyages là. Pour tes conversations. Philippe, comment ton pensez nous qu'a besoin comme ça pour visiter tout continent qui gagne dans monde là? Ça dépend des quantités pays où voulez visiter dans chaque continent à qui va le temps où voulez passer là-dedans. Moi t'aime visiter 2 ou 3 pays dans chaque continent et puis me voulez passer au moins une semaine dans chaque pays. Si nous dit 3 pays dans chaque continent, ça déjà fait plus passer 20 pays. Qui pays vous voulez visiter dans le continent Océanie et l'Asie? C'est celle Australie que vous voulez visiter dans le continent Océanie. En Asie, vous voulez visiter Thaïlande, Vietnam et Singapour. Et qui pays nous voulez visiter en Europe et en Afrique? Nous avons fait un voyage spécial pour le continent européen parce que il y a plusieurs pays intéressants tant que la France, Portugal, Belgique, l'Autriche, la Hollande, la Grèce et la Suède. Donc, nous pas aller en Europe. Oui, nous pas aller. N'a juste visiter 3 pays. On nous aller en Angleterre, en Allemagne et en France. N'a aller dans l'autre pays ou l'autre là. OK. Et dans continent africain et américain. Dans qui pays nous pas aller? Nous pas aller Bénin, Angola et Nigeria. Dans l'Amérique là, nous pour aller aux États-Unis, Trinidad et Costa Rica. J'aime bagaille là, n'a besoin au moins 6 à 7 mois pour voyage ça parce que faut que nous compter temps n'a passé dans avion et train. Écoutez et puis répétez mot ça yo qui gain BL ak BR là-dedans yo. BL blackout blanc, blahi, blé, blessé, blendé, biblique, bibliographie, bibliothèque, biblo, blié, bluff, blocaille, bloquis, blouse, débloqué, déblosaille, remblai, BR, bras, braguette, braque, branche, brandi, brassé, brave, brin, brisson, briso, brigand, brigandaille, brique, brillant, brillé, débraillé, débris, démembré, membrane. L'outil dicté. Coutez et puis écrit phrase sa yo qui gen BL ak BR la dan yo. Bressonnière blié al nan étude biblique. Blan mette bible wa sou bibliothèque la. Neg a blouse blé a blessé nan bras. Bibliothèque a blié classe bibliographie yo. Linye machine yo a brillé nan blokis la. Blackout blahi dans tout pays. Blan yo ap debleye ramble ak debri trembleman ter. Brigan yo bloke la ri pou fè de blozay. Leson D. Mwayen transport. Ki mwayen transport nap itilize? Dialog. Ozo ak Philippe ap diskite de voyaj yo genyen pou fè. Yap chache konen ki mwayen transport yo pral itilize. Koute konversasyon. Philippe, mwen vi monte avyon pil non pwennan voyaj la. Pou ki sa nou pa pran bato pito? Nap oblije pran avyon kanmèm pou ale Miami. Le nou ve Miami, nou kap pran yon bato kwazye ki pral ale an Europe. Ton panse? Mwen d'akor, oui. Pou vizite peyi ki an Europe yo, nou kap pran tren ak otobis. Nap voyaje mwen vit, men nap kap bwe peyizaj yo pi byen. Se vre, oui. Nou gen dwa loue yon machin tou. Ki mwayen transport nap itilize pou soti nan yon kontinant ale nan yon lot? Le nou fin vizite tout peyi européen yo, nou pou ale an Afrik. Le nap soti an Europe pou ale an Afrik, nou pa oblije pran avyon. Oui, se vre. Men eske se yon bon ide pou kondwi soti an Europe pou ale jok an Afrik? Mba kwen nap kapab nan? Nap tro fatigan. Pa gen bato kwazye ki soti an Europe pou ale an Afrik? Ba konen, se mande pou nou mande. Nou gen le ap oblije pran avyon yo zlo. Si se pa sa, vay sa ap dire yon eternite. Ok, pa gen problem. Nap pran avyon le nap chanje kontinan. Men promet mwen ki nap eseye pa itilize avyon an pil. Dako cheri, se jon vle. Men, ki problem ou gen ak avyon menm? Lè monte avyon, m toujou ap tremble telman m pè. Poutan, m pa gen aucun problèm ak lòt mwayen transport yo, non? Pa janm gen mal bato. M kondi machin san problèm. M kon monte moto ak bisiklèt trè byen. M kon monte ato chwal ak bourik. M konprann. Kòm si ak avyon selman ou gen problèm, n'ap evite l. Koute epi repete mousa yo ki gen DR la dan yo. DR, a la drive, encadre, dra, drage, draje, dragon, drapo, dray, drain, drainage, dresse, dret, dri, drib, drible. Drivaye, drive, cadre, madre, malandrin, vendredi. Yon ti dikte, kote epi ekri fraz sa yo ki gen de er la dan yo. Enkadre a chita ap drage medam yo ou liye li enkadre yo. Andre a la drive depi l fin pè di travay la. André Lita a bezwen an pil dlo pou la vedra yo. Enjenye a di la pou vin fè drenaj la vendredi. Drivaye ak malandren se menm bagay yo ye. Si footballer sa drible moun, pidri pase Ronaldo. Si tèt ou pa dret, mou kap dresse l pou wè. Fòk nou al bay la vedra pou yo nan dray. Leson 3. Bon voyaj. Voyaj nan peyi etranje. Dialog. Ozlok Philippe rive an Frans. Yo nan ayopò devan yon ofisye imigrasyon kap pose yon kesyon. Koute konversasyon. Bonjour madame. Paspòt s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Fòk mba ou tout lè de paspòt yo ou swa pam nan selman. Eske ou menm ak monsieur a se demoun marye? Oui nou marye. Eh bien, ou met bam tout les passeports en même temps. Mais oui. Qui ça nous vient faire en France? C'est touristes nous vient faire. Nous venons pour cap visiter la Tour Eiffel, musée les Louvres, Notre-Dame, Versailles, Champs-Élysées et la Trier. Combien de temps nous avons l'intention de passer en France? N'a passé 2 semaines seulement. Qui côté n'a prêté pendant 2 semaines ça? N'a passé yon semaine Paris et puis yon semaine Nice. Est-ce que ou cap bam adresse côté n'a prêté à Paris? Oui, monsieur. C'est dans l'hôtel Belle Amie qui n'a rue Saint-Benoît n'a prêté. Mais pas pour yo. Nous souhaitons nous bienvenir en France. Amusez-nous bien. Merci en pile. Au revoir. Coutez et puis répétez mot sa yo qui gagne FL ak FR là dedans yo. FL flash, flashé, flagrant, flamand, flamingo, flan, flambé, flambeau, flamme, flâne, flâné, flatté, fly, flé, flèche, fléchi, fléri, flériste, flit, flité, floche, flotté, flou, FR, fragile, fragmenté, fracassé, franche, franchise, frappé, frais, fraîche, fraise, fréquent, frette, frédit, frein, freiné, fredonné, frit, fricassé, frictionné, fritaille, frité, frise. Yon ti dikte. Koute et puis écris phrase sa yo ki gen FL ak FR la dan yo. Frèm nan pa manje fritay paske sante l fragil. Le flash la sispann flashe, nan fè yon flambo dife. Frè yo frekan, men poutan la flate fleris la. Fredi a desan jouk li pa fè fret anko. Yo kebe neg ki kon jwe flamengoa an fla grande mi. Flane yo ap flane an ba fridi ya. Machan frita la ap fribanan yo nan yon flam di fe. Feris la koupe flech fle yo pou yo kab fleri anko. François frape machin nan paske l bliye frene. Fok ou flite toilet la ak flit la an vlan flosh li. Leçon 4. Hôtel Villa Creole. Dans qui hôtel n'ap descend? Dialogue. Roselo ak Philippe rive nan hôtel côté yo descend nan à Paris. Roselo nan réception ap pale ak réceptionniste lan. Koute conversation. Messieurs dames, bienvenue dans hôtel Belle Amie. M'kabe de nous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. De réserver yon chambre dans l'hôtel là pour aujourd'hui. Sous qui nom ou te fait réservation, madame? Roselo, petit homme. Non, c'est Roselo, et puis si Atia, c'est petit homme. Bon, moi. Ok. Nous j'aime. Réservation. Réservation pour Roselo, petit homme. Yon chambre. Avec yon cabane déplace pour 6 nuits. Oui, c'est ça. Mais est-ce que nous capable rentrer dans chambre nan kounye a? Voyage la te fatigue en pile. Nous besoin de reposer. Oui madame. M'pral voyo aller bien vite. M'besoin yon carte de crédit ak yon pièce d'identité s'il vous plaît. Kite m ba ou passeport mwen. Mais chambre nan paye déjà. Pour qui ça ou mande m carte de crédit a? Carte de crédit a c'est pour garantie. Gen hôtel ki mande client yo pour yo faire yon dépôt l'argent. Ici là nous pas prend cash. C'est ça que fait nous demander pour client yo bay yon carte de crédit. Donc, si m bien comprendre, nous pas prendre l'argent sous carte là? Non madame, nous pas prendre l'argent sous lui. N'a prendre l'argent sous carte là seulement si ou fait longue distance dans téléphone nan, ou soit si yon bagay perdu ou soit crasé dans chambre nan. OK, on comprend. Mais ça c'est un carte de crédit Visa. Merci madame. Presque vous y aller. Bam, you minute. C'est dans chambre numéro 23 ou yé. Li nan deuxième étage là. A qui l'a servi déjeuner à nan matin? Déjeuner a servi sorti 8h pour arriver 10h nan matin. Ou ap jwenn yon document sou bureau ki nan chambre nan. Li gen tout information important sou hôtel là. M souwete nou yon bon séjour à Paris. Merci en pile, monsieur. Au revoir. Koute epi repete mousa yo ki gen GL, GR ak GZ la den yo. GL, glan, glas, glase, glasi, glasye, glasye, glikoze, glissade, glisse, glycérine, globe, global, globalement, globalisé, gloire. GR, agrafe, agrandi, aggravé, agressé, agréable, agricole, gras, gradier, grager, gramme, gramé, grandi, grammoun, grande, graine, graisse, griffe, grillé. GZ, hexagone, exagéré, examen, exemple, exempté, exactement, eczéma, exercice, exhibition, exigé, exigence, exilé, existence. Yon ti dicté. Koute et puis écris phrase sa yo ki gen GL, GR, GZ, GB ak GD la dan. Exilé ki soti Bagdad yo te sibi an pil agresyon. Cheve gran moun nan gren paske li pa agresé. Met la exige pou elèv yo fè tout exercice ki nan examen. Ajan agrikol sa te gradye nan yon lekol agrikilti. Gen yon sel gren gramè kay gran moun nan. Existans tout exilé sa yo nan peyi a exige otorite yo agrandi vil la. Dokter a te voyel al fè yon examen pou eczéma. Gran monik exagere paske la fè trop exijans. Chapitre 7. Chapitre 7, leçon 1. En allant marché, nous pral fè provision alimentaire. Dialogue. Rosemary, bonne kap travay ka Roselo ap Philippe la, al nan marché kwa Boussal. La pale ak yon machan ki van nan pil bagay. Koute konversasyon. Finim balo ti dam. Ki so vin achete la? Bezon pil bagay. Mpa kwa ge tout sa map chache yo non? Oh, wap jen tout sa o bezon. Ebi map fe bon pri pou. Kome yo mande pou pil mango sa yo? Mande 15 goud pou mango yo. Men mpa ou yo pou 14. 14 goud? Ala mango che papa. Si wap bay pil la pou 11 goud, map pran de nan men. Pa gen problem. Ki so o bezon anko? Gen bel zaboka, oui? M'pa bezwen zaboka. Kombien mamit pwa noa? Gro mamit pwa noa koute 80 goud. Ti mamit la 20 goud. Ou pa bay gro mamit la pou 70 goud? Non pratik. Se bon pri yon ba ou la, oui? Se pri sa tout lot machan yo van li. Ou pa bezwen diri blan? Se 100 goud mamit la yi. Oui, m'bezwen diri blan. Men se yon gros sak m'bezwen. Ki pri sak la? Gwo sak diri ya van 1000 goud. Men kon mwa pa chetan pil bagay nan men, mwa ba ou li pou 900 goud. Sa wè prati. Mèsi prati. Kite mzi tout lot bagay mbezo achete jodi ya. Mbezo 6 kal wil, 2 pake pesi, 3 go green zanyon, yon tèt chou, yon panye citron, yon douzen ze ak yon sachè fab. Ok, mwa mette tout bagay nan sachè pou. Se sezon melon, ou pa jan yo bel, yo pa chè non pratik. Ou ap pran yon? Non mèsi. Yo pa di m achete melon. Kòmen kòb tout bagay yo fè? Ki dèm fè kalkil la? Mango yo pou 22 goud, pwa 80, diri a 900, l'huile 60, pèsi 10, zonyon 9, chou 7, citron 13, zè 18, epi fab pou 11 goud. Ça fait 1130 goud. Mais l'argent pratique. Ça c'est 1150 goud ou à bon monnaie. 1150 moins 1130, ça fait 20 goud. Est-ce que vous voulez me rele yon moun pou ede ou pote provizyon yo? Mais oui. La bon oui, parce que ça fait un pile bagay pou pote. Merci pratique. Koute et puis répétez mou sa yo ki gen KL, KR, KS ak KT. La dan yo. KL, clan, clarifié, classe, classé, classique, classifié, clé, clé, clairé, clairin, climat, clinique, clipsé, client, cloche, clou, zéclé, zoclo. KR, akra, akrek, acrylique, crabe, cabinet, craché, cran, crampon, capot, caponnet, crasse, classique, cravate, casé, crédit, crème, crétin, crier. KS, excellent, excepté, exception, exceptionnel, etc. Excité, excitation. Esquisé, fixe, fixé, fixation, sexe, sexuel, vexé, vexation. Caté, lactase, lactose, lacté, la victoire, lecti, lectorat, lecté, sectum, sectaris, secté, sectoriel, vecté, victoire, victime. Nous t'y dictez. Koute et puis écrit phrase sa yo ki gen KL, KR, KS ak KT la dan yo. Klan moun ki victime yo kraponnen devan client yo. Elèv yo mande clarification paske section lekti a pa klè pou yo. Professeur a clarifié lekti a pou tout crétin ki tap kriye yo. Secteur privé a vexé paske secteur public la remporte la victoire. Gen an pil la pli sektoriel ak zekle nan mwa septem. Client ak rek la mete kravat pou vin mande kredi. Max Sorel krabine krapwa ak lipser. Ou ava eskize Clotilde sil pa gen tan klase liv avan kloch la sonen. Lactase se yon anzim ki pemet moun digere lactose. Client yo di klima pa propis pou klinik lan ouvri. Leçon D nan maket la. Se nan maket la li prale. Dialogue. Roselor ak Philippe invite 8 moun vin manje la kayo. Yo nan maket PI national la kote yap achete provision pou prepare manje yo. Koute konversasyon. Oh, Philippe. Apa yo agadi maket la anko? Gade vre, nan 7 mwa nou fe al etranje ya, moun yo getan chanje figi maket la wi? Kounye ya, PI national toune yon maket modern net wi? Gade Philippe, yo louvri yon seksyon famasi kote ou kab achete medikaman. Se sa mwen la wi, gen seksyon prodwi de bote tou li ozo. M kontan net. Kounye ya, m pa bezwen al tro lwen pou achete losyon, krem, savon ak poud. Ou nan bol gres maman. Ou menm tou Philippe. Jean reme achete radio ak ou pale pou fè mizik byen fò nan kay la. Yo louvri yon seksyon apare elektronik tou wi. Oh oh. Se pa provizyon alimante nou te vin fè. Ozlo. Mete lis la deyò pou nou kap komanse achete san bezwen yo, tande? Men lis la. Fòk nou ale dabò nan bouchri a pou nou kap achete viyan kòchon an pou griyo a. Apre sa, nou pale nan poissonri an pou lanbi an. Pa bliye pase nan seksyon prodwi letye yo non? Nou bezwen let, be ak yogout. Oubliye fomaj la. M bezwen pou m fè makaroni gratine ya. Epi, nap bezwen fè yon salad frit oui. M ta pito achete fwi yo nan mache ya oui? Tò panse yo zlo? D'akò. Paske ananak melon rosemary kon achete nan mache kwa bosa la, pi douz pase sa yo van nan market la. Ki sa genye nan lis la nou pou kopran? Gen pil bagay nou pou kopran, oui. Nou bezwen yon douzen ze, de liv farine, yon pake persi, yon galon l'huile d'olive, ak yon kes biye prestij. Apre sa, nou fini pa vwe? Oui. Apre sa, nou pral sou kes la. Pou nan peye, epi nan rentre la kay. Koute epi repete mo sa yo ki gen LB, LF, LK la dan yo. LB. Albinos. Album. Kalbas. Kalbasik. Kalbenday. Kalbende. Kolboso. LF. Alfa. Alfo. Kalfou. Malfekte. Malfezan. Mal fini, mal fouti, mal fouindeng, LK, calqué, calcul, calculation, calculate, calculatrice, calculé. Nou ti dicté. Koute et puis écrit phrase sa yo ki gen LB, LF ak LK la dan. Albinos la fait accident nan kalfou. Si li te bien calculé, li pata kolboso machine nan. Comptable la bezwen yon calculatrice pou fè calcul. Malfekte toujou ap fè malfezan. Malfwendeng nan kite malfini an ale. Mwen mete kalbas ak kalbasik yo nan alfo. Musicien yo pap kalbende menm. Yo soti yon nouvo album. Si ou kalkile bien, wawe kalbenday pa bay.